Et ben voilà, à peine 10 minutes de retard pour ce Pyongyang Steelworkers numéro 357 avec ce soir au micro Jamie. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va? T'as réussi à te frayer un chemin au milieu des footix? Compliqué, mais. Ah oui. Ouais. Voilà, oui, c'est compliqué d'arriver jusque cité scientifique où se trouve le studio de Radio Campus, parce que ce soir, juste à côté, là, au stade à la con, là, il y a un match de foot à la con avec des supporters à la con qui remplissent le métro à la con et les routes à la con. Voilà. Donc, c'est compliqué. Bref, on a fini par y arriver, on a perdu 10 minutes, et puis, eh ben, je ne sais même plus par quoi je voulais commencer, les gars. C'est quand même absolument incroyable. On va dire que ça va être Faintest ID qui vont passer dans pas longtemps. Attends, où est-ce que j'ai foutu? En plus, j'avais les textes, j'ai même pas eu le temps. Voilà, ils vont passer au Scalloween le numéro 14 le 26 octobre au cinéma Alst et puis le 29 ils seront au BNR. Je me demande si je l'ai pas déjà passé une première fois la semaine dernière. C'est pas grave, ça va repasser une deuxième fois. Voici Faintest ID qui disent bah, qu'il faut tous les tuer jusqu'à ce qu'ils soient morts. Kill 'em dead. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Faintest ID. The angry brigade. Because the only thing that's left to lose is our chain. When you're battering a cassette of these failed states, reject the conquest of bread. A mutual aid and several covers is the capital, the story unfolds. It's a people's history of a brave new world. We list a long war to freedom for the wretched of the earth. We throw a spider in the world. Full cycles fall. No gods must die when we kill them dead. Kill them dead tonight. Material catch a fire in my head. Feed the 5,000 fresh through a rotting vein. Give me death or give me convenience. Changes the sound of the civil disobedience. The London's calling a warning of nuclear attack. Takes a nation and millions to hold us back. You can't stop this ungovernable force. So fuck them and their law. Kill them dead, kill them dead, kill them dead tonight. Kill him dead, kill him dead, kill him dead tonight! Et voilà, ils sont morts. Ceux qui sont pas morts, c'est nos futurs invités. Je fais une petite revue de ce à quoi vous allez avoir droit dans Pyongyang Steelworkers dans les semaines qui viennent. La semaine prochaine, on aura Schnaps et Ben de RCV qui vont venir présenter. Ouais. Ouais. T'es content? Ouais. Ils vont te présenter leur soirée qui a lieu, enfin leur après-midi même, plus soirée, ouais, qui a lieu le 12 octobre prochain au Black Lab pour fêter les 40 ans de radio de Schnapsou et les 20 ans de RCV de Ben. Ouais. Ouais. Et puis, bah, donc ils seront là pour passer du Slayer et puis d'autres trucs comme ça, hein, certainement. Voilà. Et la semaine d'après, le 16 octobre, nous aurons un ou plusieurs membres de Astroïd qui seront dans le studio pour raconter des blagues, passer de la musique et puis peut-être même en jouer, va savoir. Ça dépend comment qu'ils seront mis et pris. Astroïd le 16 octobre et puis donc le 9 octobre, Schnapps and Ben from RCV, la radio amie. Yes. Et néanmoins concurrente. Ouais. Voilà. Et ben, puisque c'est comme ça, voici un petit titre d'Astroïd en attendant de les entendre ici même. Le titre c'est Apo. Ça parle de gens qui font pas de politique puis qu'un jour se la prennent sur la gueule. D'ailleurs, c'est ce qu'il raconte dans la chanson Apo par Astroïd sur l'album qui vient de sortir qui se nomme L'As des Astres volume 1, vu qu'il y aura un volume 2 en avant. Ignorez-le. Notre plan d'attaque demeure tel que prévu. Arrive à se planter. Hein. Ouais. Ouais. C'était Astroïd avec Apo. On continue avec les annonces, mais cette fois-ci de concert au CCL ce vendredi 4 octobre. Il y aura Rotophile Connard. Ils viennent de la région de Toulouse dans ce coin-là. Rotophile Connard, c'est un beau nom. Et en plus, ils font de la belle musique. Ils seront accompagnés de Wirecutter, du Free Noise de Berlin. Tempête de Chienne, c'est de la chanson punk. Ça vient de Grenoble. Et puis, il y aura un DJ set avec Bientôt 2000. Ça sera au Centre Culturel Liberté à 4 rue de Colmar. Yes. À partir de 20h30, t'y seras ? Ouais. D'accord. Et peut-être que j'arriverai vers la fin, mais bon, ça dépendra. Et puis, donc, il y aura aussi Rotophile Connard, K-H-O-N-A-A-R, avec un tréma, au mieux. Et les voici qui font Us. No. Oh, don't ever think about it. We don't play with the money, no. We don't play with the money, no. Oh, don't ever think about it. We don't play with the money, no. We don't play with the money, no. Oh, don't ever think about it. We don't play with the money, no. be cool about it. They're playing with the money, yeah. Da da da da da. They're playing with the money, yeah. Oh, gotta be cool about it. Puisque ouais c'est bien faut avoir une voix un peu cassée pour faire des trucs comme ça sinon ça passe pas bien. Je parlais du Centre culturel libertaire, le truc lié à ça, entre autres un des trucs liés à ça c'est l'émission La Voix sans maître qui a lieu ici même sur Radio Campus de 20h à 21h tous les vendredis, sauf que là en ce moment l'équipe commence à s'amenuiser grandement vu que les gens ils ont d'autres choses à faire, ils changent un peu de direction dans la vie etc. Bref, ils ont plus forcément les disponibilités pour assurer une émission de radio. C'est bien la radio, mais il faut quand même être dispo. Hein. Ouais. Et pas qu'il y ait des footix qui se mettent au milieu. Exact. Voilà. Donc là, ils sont un petit peu en train d'essayer de recruter des nouvelles têtes, des nouvelles personnes qui voudraient participer à cette émission anarchiste. Donc, moi, je peux pas y aller, par exemple. même si j'aime bien. Il y a tout un communiqué qui a été publié sur le site web du Centre culturel libertaire sur lille.cibertaria.org. Je mettrai l'adresse sur nos réseaux sociaux là. Qui dit comme quoi qu'ils recrutent les gens qui sont intéressés pour venir plus ou moins régulièrement pour animer des trucs, faire des prises de son, aller faire des interviews, bref, tout ce que tu veux pour qu'il y ait une belle émission de radio qui continue, vu qu'en plus de ça, non seulement c'est une bonne émission de Radio Campus, mais en plus c'est une des plus anciennes maintenant de cette magnifique radio que le monde entier nous envie, enfin le monde au moins jusqu'aux limites de la métropole lilloise. Il y aura aussi un atelier radio au sein de la rentrée anarchiste. Ouais. Car cette semaine, c'est la rentrée anarchiste, à partir de demain et jusqu'à lundi prochain. La rentrée anarchiste lilloise, c'est une série d'événements qui ont lieu sur 5 ou 6 jours. Il faut que je compte. 5 jours. sur 5 jours, un petit peu partout, dans les lieux qui vont bien sur l'île. Il y a le programme qu'on peut retrouver sur Spunk.org, sur Indie Media Lille et sur Démosphère, le programme de la rentrée anarchiste lilloise. Et au sein de la rentrée anarchiste lilloise, il y a entre autres un atelier radio qui aura lieu en 2 épisodes. Premier épisode de demain pour la préparation de l'émission La Voix sans maître de vendredi. Et ensuite, l'émission de La Voix sans maître de vendredi sera ouverte aux gens qui ont envie un petit peu soit de voir comment ça se passe, soit peut-être de participer petitement ou grandement à cette émission que l'on vous recommande ici sur Pyongyang, City Rockers. Et bien maintenant, quelque chose qui n'a rien à voir, sauf que c'est lillois. C'est peut-être des anards d'ailleurs, j'en sais rien. C'est Transpol. Non, c'est de l'émo. Et ça vient de Lille. Et dedans, il y a des gens connus, dont Hugues, l'un des deux comparses du Distro, à qui je fais un petit coucou. Vous connaissez le Distro, le magasin qui fait du Bistro, puis qui vend des disques moins chers qu'à la Fnac. Je tiens à le dire. Voici donc Transpol avec We Met Nate. just to get laid? Are you afraid or something? h 34 à l'écoute de Pyongyang City Rockers, numéro 357 sur Campus 106,6. Beaucoup de numéros, hein, tout ça. Et donc, juste à l'instant, c'était les Bruxellois de Nervous Shakes avec Be A Man. Et puis, juste avant, c'était les petits nouveaux de Transpol, des Lillois, avec We Met Nate. Quoi, maintenant? Bon, j'en sais rien. Si, un groupe qui vient de Namibie. Le sud-ouest africain, juste au nord-ouest de l'Afrique du Sud, qui a longtemps été un truc occupé par les Sud-Africains d'ailleurs. Et ben, il y a des punks et des hardcoreux dans ce coin-là, et des métalleux. Et voici Segregated Existence. Ça vient de sortir il y a point longtemps. On peut trouver d'ailleurs, il me semble, une ou deux vidéos sur le réseau social qui fait de la vidéo. T'as vu, voici donc How It Feels par Segregated Existence. Ouais, hein, c'est Oasis à la fin. Ouais. Ça ressemble Oh, oh, populace opprimée, avec vos ventres pleins d'orgueil, vos langues sont devenues fluides en sarcasme, tous ces prédicateurs omniscients vous ont inculqué le mépris, et votre monde n'est plus que corruption, violence et mensonge. Oh, fier lion, avec ton ventre plein de bile, au signal de la vengeance, tu devras te lever menaçant et effrayant. Mais ton peuple préfère la bravade à la justice. Tous les centristes sont morts, et ce qui reste, ce sont les grandes gueules qui organisent soigneusement tout ce climat de peur. Les menaces, coco, immigrés et gauchistes, et ce qu'ils veulent, ce qu'ils vous servent en guise de changement n'est qu'un pacte de suicide. C'est un titre des Anversois de Lotus, Vlaanderen ontdooid, België voltooid, ce qui signifie Flandre décongelée, Belgique complétée. Ils ont l'air de dire que c'est un petit peu gelé dans le fascisme, la Flandre. Bon, ont-ils tort? Et puis à part les références à la Flandre, quand même, ça pourrait aisément s'appliquer bien à pas mal de Français aussi. Ouais. Et d'ailleurs à beaucoup de gens dans les divers pays européens. Voici donc Lotus avec Vlaanderen ontdooid, België voltooid. Petit retour sur le concert de dimanche dernier au Centre culturel libertaire. Encore lui, il y avait Prise rapide, Le Cœur des garçons et PEB ou PEB, j'ai pas très bien compris. Il y avait du monde, une bonne ambiance. Était-ce dû au fait que pour une fois, tout groupe confondu, il y avait sur scène plus de filles que de garçons? Eh ouais. C'est rare, et donc faut le signaler. En tout cas, c'était notable, et ça sera renouvelé plus souvent. D'ailleurs, on sait que de nouvelles initiatives musicales féminines se préparent sur l'île et alentour. Voici donc deux groupes qui ont joué dans ce concert de dimanche dernier au CCL, à savoir Le Cœur des garçons de Villefranche de Rouergue, qui vont nous faire Accord perdu. Ça parle de travail, puis du fait que le temps travaillé ne se rattrape plus. Et puis ensuite, il y aura Prise rapide, un petit peu pareil sur la vie qu'on perd, des conneries, dans un étau. Pour l'instant, voici Le Cœur des garçons. Je me suis jeté dans la bataille.

passer ça après. On vient juste de passer Prise Rapide avec Dans un étau. Et juste avant, c'était Le Cœur des Garçons avec Accord Perdu. Par quoi allons-nous enchaîner? Ben, par un petit truc de cold, vu que je l'avais promis à certaines personnes. Voici donc Modèle Martial, anciennement Bunkerstrasse, qui font Lost. 20h53 à l'écoute de Pure Gangsta Rockers sur Campus 106,6. On est ensemble encore pour un petit 6 minutes et demi, un gros 6 minutes et demi. On n'oublie pas ce week-end le gros festival qui tue, à savoir We Are Not Worthy, festival numéro 5 à la brasserie Bonne Bière, TC entre Donard et Valenciennes, chez Macouin. Il y aura vendredi 4 octobre Warfuck, TFB, Scraps, Ordure, Dogmen et Traknar. Et le samedi, il y aura une affiche un peu plus fournie avec Teigne, PORC, Port, Chess Week, Onasnop, Chlore, Facepal Nation et Arthrodiz. Tout ça, donc, ça sera à Erin au cours du We Are Not Worthy Festival numéro 5. Il y a encore des places disponibles. C'est quoi déjà? Je sais plus. Il y a un Yourplan, là, yurplan.com. Yes. Et puis on cherche Nania. Ou alors on va sur spunk.org et puis là, il y a le lien, il n'y a plus qu'à cliquer. Merci, je t'en prie. Et puis, puisque c'est comme ça et puisqu'il y a encore des places, on fait de la pub et on vous invite à y aller si vous n'avez pas autre chose à faire. Et puis, ou même si vous avez autre chose à faire, et vous démerdez et vous y allez quand même. Voici donc, premièrement, un groupe qui passera le vendredi Warfuck avec Double Standards, et ensuite un groupe qui passera le samedi Trip and Dead de Valenciennes avec Dancing in the Death Row. Surveiller, hein. Il y a le stou de We Not Worthy qui demandait qu'on n'oublie pas. Juste au moment où on passait on faisait la pub du We Are Not Worthy Fest à Erin. Il est 20h58, et bien C'est Derflour qui fait sa vieille reprise des Cramps. Ouais. Derflour, tiens, faudra que j'en parle un de ces quatre de ce groupe allemand. C'est un side project de OHL, du Obersteuersleitung. Groupe qui a défrayé la chronique en son temps parce qu'ils utilisaient beaucoup une imagerie liée à la Deuxième Guerre mondiale et au Troisième Reich. Alors que c'est pas des faf. Bon, mais on peut se méprendre. Ceux qui ne se méprendront pas, c'est ceux qui resteront sur Radio Campus pour écouter dans quelques minutes Teeth Grinder avec la douce voix du gentil JD. Ensuite, il y aura plein d'autres bonnes émissions sur Campus. Et puis nous, on se retrouvera pour la 358e de Pure Yangtze Rockers la semaine prochaine, je rappelle, avec le Schnaps et le Ben de RCV. Bon, pour l'instant, on vous dit au revoir, bonne bourre, et puis n'oubliez pas... Un câble.